Unité 71. Conversation. Écoutez. Hein? Alors, Jacques, tu es d'accord? On accepte de payer ce taux d'intérêt? Deux. Jamais de la vie. Ce sont des conditions inacceptables. Trois. Je suis de ton avis. Mais on n'a pas le choix. Quatre. Peut-être. Mais c'est inadmissible d'exploiter les gens à ce point-là. Cinq. La banque ne veut pas nous faire ce prêt. Alors, il ne reste que les notaires, non? Six. Oui, mais 20%, il y a quand même de l'abus. Alors, Jacques, tu es d'accord? On accepte de payer ce taux d'intérêt? Je suis de ton avis, mais on n'a pas le choix. La banque ne veut pas nous faire ce prêt. Alors, il ne reste que les notaires, non? Écoutez. Alors, André s'habitue à l'école maternelle? À la cantine? Oui, il est ravi. Il trouve même qu'on mange mieux qu'à la maison. Et sa maîtresse? Très bien. Pourtant, j'ai eu un petit accrochage avec elle ce matin. Ah bon? À quel sujet? Figure-toi qu'elle leur avait fait faire des dessins antiféministes. Antiféministes? Oui, les mamans à la maison, les papas au boulot. Et alors? Qu'y a-t-il d'anormal? Ces clichés sont démodés et faux. Tu ne crois pas que tu exagères? Pas du tout. André a l'impression de vivre une situation anormale. Tu crois? Il peut croire que tous ses copains ont une mère qui reste à la maison. Tu le lui as dit? Bien sûr. Il faut se défaire de ces clichés. Répétez. 10. Alors, André s'habitue à l'école maternelle? À la cantine? Oui, il est ravi. Il trouve même qu'on mange mieux qu'à la maison. Douze. Et sa maîtresse? 13. Très bien. Pourtant, j'ai eu un petit accrochage avec elle ce matin. Quatorze. Ah bon? À quel sujet? 15. Figure-toi qu'elle leur avait fait faire des dessins antiféministes. 16. Antiféministes? 17. Oui, les mamans à la maison, les papas au boulot. 18. Et alors? Qu'y a-t-il d'anormal? 19. Ces clichés sont démodés et faux. 20. Tu ne crois pas que tu exagères? 21. Pas du tout. André a l'impression de vivre une situation anormale. 22. Tu crois? 23. Il peut croire que tous ses copains ont une mère qui reste à la maison. 24. Tu le lui as dit? 25. Bien sûr, il faut se défaire de ces clichés. Répondez, répétez. 26. Alors, André s'habitue à l'école maternelle? À la cantine? 27. Oui, il est ravi. Il trouve même qu'on mange mieux qu'à la maison. 28. Et sa maîtresse? 29. Très bien. Pourtant, j'ai eu un petit accrochage avec elle ce matin. 30. Ah bon? À quel sujet? 31. Figure-toi qu'elle leur avait fait faire des dessins antiféministes. Trente-deux. Antiféministe. Trente-trois. Oui, les mamans à la maison, les papas au boulot. Trente-quatre. Et alors, qu'y a-t-il d'anormal? Trente-cinq. Ces clichés sont démodés et faux. Trente-six. Tu ne crois pas que tu exagères? Trente-sept. Pas du tout. André a l'impression de vivre une situation anormale. Trente-huit. Tu crois? Trente-neuf. Il peut croire que tous ses copains ont une mère qui reste à la maison. Quarante. Tu le lui as dit? Quarante-et-un. Bien sûr, il faut se défaire de ces clichés. Écoutez. Quarante-deux. Zut, j'ai encore grossi. Quarante-trois. Pas étonnant, avec tout ce que tu manges. 44. Si tu crois que c'est facile de se déshabituer de manger du beurre, de boire du vin. 45. Pourtant, une petite cure amaigrissante et tu perdrais ta brioche. 46. Tu parles. Aussitôt que je remange normalement, je reprends tout ce que j'ai eu tant de mal à perdre. 47. Parce que tu n'es pas raisonnable. 48. Zut, j'ai encore grossi. 49. Si tu crois que c'est facile de se déshabituer de manger du beurre, de boire du vin. 50. Tu parles. Aussitôt que je remange normalement, je reprends tout ce que j'ai eu tant de mal à perdre. Écoutez. Les fonctionnaires ont déposé un nouveau préavis de grève. Il voudrait que la grille des salaires soit rediscutée. Le but de leur revendication est d'indexer l'évolution des salaires au taux d'inflation. Dans l'après-midi de jeudi, les délégués syndicaux et le ministre se retrouveront à la table des négociations. Toutefois, il paraît peu probable qu'on arrive à un accord. Il y a donc de grandes chances pour que les fonctionnaires se remettent en grève la semaine prochaine. Répétez. 51. Les fonctionnaires ont déposé un nouveau préavis de grève. Cinquante-deux. Ils voudraient que la grille des salaires soit rediscutée. Cinquante-trois. Le but de leur revendication est d'indexer l'évolution des salaires au taux d'inflation. Cinquante-quatre. Dans l'après-midi de jeudi, les délégués syndicaux et le ministre se retrouveront à la table des négociations. Cinquante-cinq. Toutefois, il paraît peu probable qu'on arrive à un accord. Cinquante-six. Il y a donc de grandes chances pour que les fonctionnaires se remettent en grève la semaine prochaine. Répondez, répétez. 57. Les fonctionnaires se remettent en grève. 58. Oui, les fonctionnaires ont déposé un nouveau préavis de grève. 59. Que veulent-ils? 60. Ils voudraient que la grille des salaires soit rediscutée. 61. Rediscuter la grille des salaires? 62. Oui, le but de leur revendication est d'indexer l'évolution des salaires au taux d'inflation. De nouvelles négociations sont prévues. 64. Oui, dans l'après-midi de jeudi, les délégués syndicaux et le ministre se retrouveront à la table des négociations. 65. Toutefois, on arrivera à un accord. 66. Toutefois, il paraît peu probable qu'on arrive à un accord. 67. Alors, ce sera comme la semaine dernière. 68. Oui, il y a donc de grandes chances pour que les fonctionnaires se remettent en grève la semaine prochaine. 69. À quelle heure je te mets le réveil? Un peu avant 7 heures, comme d'habitude? 70. Mais non, demain je ne vais pas au bureau, nous faisons grève. 71. Vous avez prévu une manif? 72. Oui, mais seulement dans l'après-midi. 73. Vous croyez que vous allez obtenir vos 5%? 74. Ils finiront bien par lâcher quelque chose. Sinon, on remettra ça à la rentrée. À quelle heure je te mets le réveil? Un peu avant 7 heures, comme d'habitude? 78. Ça a marché, ton interro de physique? 79. Bof, ça aurait pu aller mieux. 80. Tu n'avais pas assez revu ton cours? 81. Si, mais il y a des questions que je n'ai pas eu le temps de finir. 82. Tes prévisions, la moyenne? 83. Ne faut pas rêver, il y a aussi pas mal de choses que je n'ai pas su faire.